calibré dans le gamos. C'est le son des batos. Dis-moi qui t'envoie un album gratos. Même si je vais te casser les jambes comme Sergio Ramos. Tu veux du rap, du flow, amigo vamos. Dans le gamos, c'est le son des batos. Dis-moi qui t'envoie un album gratos. Même si je vais te casser les jambes comme Sergio Ramos. Tu veux du rap, du flow, amigo vamos. Va écouter, tu vas même rembobiner. Représente les frères, Marseille à Bobigny. Ça te cambute ta chambre pendant que t'es en train de dîner. Ton gros se lave avant même que t'es fini. Tu vas écouter, tu vas même rembobiner. Représente les frères, Marseille à Bobigny. Ça te cambute ta chambre pendant que t'es en train de dîner. Ton gros se lave avant même que t'es fini. J'aime pas trop, me chauffer quand y'a du monde, tu vois le d'elle. Je sais que mon argent peut attirer le gros bolt, mademoiselle. Je fume tellement la peur à ne plus savoir comment je m'appelle. Je rajoute mon grain de sel, 1-3-5 c'est le cartel. Où je viens d'ici? Y'a rien Jay-Z, on veut le poule à Beyoncé et le coffrage à Jay-Z. J'suis en mode crazy, bâtard viens ici. Viens essayer de me la faire gros que j'te mette la fessée. Ouais MC ces temps-ci, j'suis bouillant comme Jaja. J'parle pas j'agis, petite salope dégage. Écoute bien et sache que j'suis mieux à l'ombre. Moins de choses à raconter, moins de gens à rencontrer. Au fait, n'essaie pas de savoir où j'vis. Si tu te mets devant gros, moi j'vais plus savoir où j'vis. La rue m'a engagé à vivre des choses de fada. Rien que sans pointer quand j'mettais mes Prada. Toi ton air au radar, direction insistée. Passe la deuxième dérapage quand tu rentres dans la cité. Fais pas ci, fais pas ça. Le respect, l'honneur et le cœur, est-ce que toi t'as ça? Sur la mer, bleu turquoise, j'me fais faire un massage. Envoie une main ça, que j'pense plus au passé. J'fais que me ressasser, parle de moi en mal, t'inquiète. De toute façon, toi-même tu sais, un jour ou l'autre ça c'est. C'est une douleuse assise, mes clips passent à l'assise. Oh, j'suis fier de moi, c'est trop comme j'l'ai. Traumatise. Moi j'suis là j'bise, là j'mis de me faire la bise. Me laisse repartir avec ma beuh et mon cannabis. J'fais de l'art triste et du sang qui dévale pour les mecs en dole. Pour les gens qui ont peint et qui se promènent l'hiver en tongs. En temps, papa. Cette nuit chargée ça rôde dans le noir comme des fantômes. Déguste bien l'album, tant demain j'arrête tout. Dieu m'a donné la force, tant demain il m'enlève tout. Asic c'est sur bête, j'roule pète sur bête. C'est moi qui a fait l'instru, c'est moi qui écris, c'est moi qui appuie sur rec. Les petits tombes avec la plaque pliée. Bacle sur la tombe, j'remplis le sac de billets. Avec ton canon scié. Hier vous avez la pression, aujourd'hui vous en riez. Moi mon cœur c'est comme une arme, il peut s'enrayer. Si je leur montre ce que j'ai vu, je risquerai de les effrayer. J'ai pas bouffé de chat sur mon oreiller. Merci à ce qu'ils me disaient tout le continu, je sens que ça va payer. Calibré dans le gamos, c'est le son des batos. Dis-moi qui t'envoie un album gratos. Même si je vais tracer les jambes comme Sergio Ramos. Tu veux du rap, du flow, amigo vamos. Dans le gamos, c'est le son des batos. Dis-moi qui t'envoie un album gratos. Même si je vais tracer les jambes comme Sergio Ramos. Tu veux du rap, du flow, amigo vamos. Va écouter, tu vas même rembobiner. Représente les frères, Marseille à Bobigny. Ça te cambute ta chambre pendant que t'es en train de dîner. Ton gros se lave avant même que t'es fini. Tu vas écouter, tu vas même rembobiner. Représente les frères, Marseille à Bobigny. Ça te cambute ta chambre pendant que t'es en train de dîner.